Les aventures de Tintin par Hergé. Adapté par Catel Guillou. Avec la troupe des comédiens français. Le Lotus Bleu. Cinquième et dernier épisode. Bravant les éléments, notre courageux Tintin a décidé de se rendre dans la petite ville de Houkou afin de retrouver le professeur Fan Seyeng. Sur le chemin, il a sauvé de la noyade un jeune chinois orphelin du nom de Chang, qui a décidé de l'accompagner. Après avoir déjoué la mission des policiers Dupont et Dupont, tous deux chargés de l'arrêter, Tintin a pu gagner, avec l'aide de Chang, le temple où le professeur était censé être retenu prisonnier. Mais à leur arrivée, un espion japonais à la solde de Mitsui Hirato et déguisé en photographe a tenté de les tuer. Il leur a révélé non seulement que le professeur Fan Seyeng n'était pas là, mais que c'était Mitsui Hirato lui-même qui l'avait enlevé. Tintin et Chang, bredouille, ont donc repris le train pour Shanghai. Tu le vois quelque part ? Non. Tintin n'était pas dans le train, chef. À mon avis, il a dû descendre en cours de route. Bon sang ! Quand donc ce gamin aura-t-il fini de nous narguer ? Et la nuit venue... C'est bon, Chang. Il fait noir. Nous pouvons nous risquer. Nous avons bien fait de sauter du train alors qu'il ralentissait avant son arrivée. Oui. Je suis sûr qu'on nous attendait à la gare. Et maintenant, allons chez Monsieur Wang. Allô, oui ? Allô, Monsieur Mitsui Hirato ? C'est Dawson. Alors, vous l'avez arrêté ? Hélas, non. Il nous a glissé entre les doigts. Quoi ? Mais enfin, vous vous moquez de moi. Je le regrette comme vous, Monsieur Mitsui Hirato. Mais que voulez-vous ? Oh. Oh, cette police, tous les incapables. Il va falloir, une fois de plus, que je fasse le travail moi-même. Entrez ! Maître, Tintin est à Shanghai. T'en es sûr ? Oui, je viens de le voir en compagnie d'un jeune chinois. Ils sont montés dans un taxi, mais je n'ai pas pu entendre l'adresse qu'ils ont donnée au chauffeur. Oh, quel dommage ! Écoute, Yamato, tu vas tout de suite te mettre en campagne. Je veux savoir où il se cache et qui le cache. C'est compris ? Bien, maître. Pendant ce temps... Grâce au ciel, nous voici de nouveau réunis. À présent, cher Tintin, vous allez prendre quelques jours de repos afin que votre blessure soit rapidement cicatrisée. Bien sûr, Monsieur Wang. Mais après cela, nous nous occuperons de Mitsui Hirato. Eh ben moi, je suis pas fâché de pouvoir enfin dormir un peu. Une semaine a passé. Tu es vraiment sûr que tu n'as plus mal, Tintin ? Plus du tout, Chang. Mon bras fonctionne parfaitement désormais. Ah, voici la maison de Mitsui Hirato. Tu vas m'aider à passer par-dessus ce mur, et pendant que j'irai explorer la propriété, toi tu feras le guet. D'accord ? D'accord. Allons-y. Personne. Tout va bien. Est-ce que 8 jours qu'il se trouve chez eux? Oh. Tu vas faire une guerre, Mato. Mais je suis tellement impatient de les avoir tous à ma merci. Mais que fait Tintin? Chang, tu es là? Oui, Tintin. Tu peux venir, la voie est libre. Il faut partir d'ici au plus vite. Mais que se passe-t-il? Tu l'as tout bouleversé? Je t'expliquerai, Chang. Mais d'abord, il n'y a pas un instant à perdre. Une auto. Vite, mettons-nous en travers de la voie. Arrêtez! Stop! Prenez la route de Nankin. Vite. Dites donc, c'est pas taxi, moi. Vous ne voyez pas que c'est une voiture privée? Je m'en fiche, pour l'amour de Dieu. Conduisez-nous, je vous dis. Et vite! Il y va de la vie de plusieurs personnes. Non, non et non. Et quand je dis non, c'est non! Prenez comme ça! Mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes fous! Vite, Chang! Monte de l'autre côté! Ils savent tout, je les ai entendus. Ils savent que c'est Monsieur Wang qui me donne l'hospitalité. Ils doivent l'enlever cette nuit avec sa femme et son fils. Et nous aussi, s'ils nous trouvaient là. À dire qu'en ce moment même, peut-être. Et cette voiture qui n'avance pas. Voilà la maison de Monsieur Wang. Tout a l'air calme. Regarde, tête, la porte n'est pas fermée. Le domestique de Monsieur Wang. Tu crois que... il est mort? Non. Il respire. Il a dû être chloroformé. Mais où sont les autres? Trop tard. On les a enlevés. Attends, regarde ce que j'ai trouvé. Un bout de papier. Avec écrit dessus. Le lotus bleu. Signé du caractère Wang. Vite. Au lotus bleu. Bonsoir, monsieur. Bienvenue au Lotus Bleu. Bonsoir. Installez-vous, je vous en prie. Je viens. Merci. Il est là, maître. Tu es bien sûr que c'est lui? Oui. Il a mis une barbe postiche et une perruque noire pour se déguiser, mais je l'ai reconnu. C'est bien. Nous allons rire. Je vais donner le signal. Mais qu'est-ce qui vous plaît? Lâchez-moi enfin! Allez-y! Frappez fort! Ne le tuez pas! Voilà, maître! Eh bien, mon cher ami, pas mal joué, n'est-ce pas? Le coup du morceau de papier griffonné par Monsieur Wong. Mais qu'est-ce que vous me voulez? On ne traite pas ses clients ainsi, je proteste! Ah, tu protestes? Allez, enlève-moi cette barbe! Ah bon, mais c'est quelqu'un bien? Et cette horrible perruque. Malédiction. Ce n'est pas Tintin. Non, je ne suis pas Tintin. Je suis le consul de Paul Davy. Yamato, libère-le tout de suite. Je peux vous dire que vous aurez de mes nouvelles. Gredin. Excusez-moi, monsieur, c'est une méprise. Nous vous avons pris pour un autre. Et quand bien même, ce n'est pas une façon de traiter les gens. Cela vous coûtera cher. Croyez-moi. Oh, des millions de samouraïs. Ah, si je tenais ce Tintin de malheur. Bon, je rentre chez moi. Yamato, n'oublie pas d'être demain à minuit au hangar numéro 9 avec le camion. Le Harikamaru sera ancré en face. Tu chargeras la marchandise et tu l'amèneras au dépôt. Bien, maître. Salut. Donne-moi un coup de téléphone s'il y a de nouveau. Bien. Salut, maître. On dirait que Tintin ne viendra pas ce soir. Non, il se sera méfié. Tout cela n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Et maintenant, extirpons-nous de ce vase. Ah. s'est bien passé? Oui, Chang. Personne ne m'a vu et j'ai pu apprendre pas mal de choses. Notamment le fait qu'un chargement d'opium doit arriver demain à minuit au hangar numéro 9. Tu comptes y aller? Évidemment. Alors je t'accompagne. Non, Chang. Je pense qu'il vaut mieux que j'y aille seul. Pourquoi? Je vais t'expliquer. Mais ne restons pas ici. Viens, suis-moi. Le lendemain, à minuit. Attention, les voilà. Ce sont les derniers tonneaux? Oui, donc ceci a changé. Nous pouvons partir. Bon. Jusqu'ici, tout va bien. Maintenant, on monte dans le camion. On vide ce tonneau de l'opium qu'il contient. On se glisse dedans. Et le tour est joué. Vas-y, referme la benne. C'est bon, on y va. Vous avez eu tort de vous attaquer à moi, mon cher Wong. Grand tort. Maintenant, il est trop tard. Il va falloir mourir. Chut, Didi. Eh bien, Wong, vous ne dites rien. Vous croyez peut-être que, comme dans un bon roman policier, le héros va surgir au dernier moment pour vous sauver la vie. Laissez-moi rire. Alors qu'il est le héros Tintin est déjà en mon pouvoir. Vous me semblez bien sûr de vous. Taisez-vous ! Les Chinois, dit-on, n'ont pas peur de la mort. Eh bien, je vous ai réservé une fin digne de vous. C'est votre fils, Wang, votre propre fils, qui, dans sa folie, va vous couper la tête à tous. Vous imaginez-vous la scène? Votre épouse, Tintin, et vous-même, décapités par votre fils. Maître? Ah, c'est toi, Yamato. Tout a bien marché? Comme se déroulette. Les tonneaux sont dans la cave d'à côté. Bien. Venez avec moi, Wang. Il ne faut pas que vous manquiez ce spectacle. Il est dans celui-ci. Je l'ai marqué d'une croix. Parfait. Nous allons rire. Oh, oh non. Mon cher monsieur Tintin, vous voici arrivé à destination. Yamato, dites-le. Il ne t'attendait pas à être accueilli de la sorte, pas vrai? En effet. Je savais bien que tu tomberais dans le panneau. Tu étais au Lotus Bleu hier soir, n'est-ce pas? Et tu as sans doute bien ri de notre méprise. Et puis tu as entendu les ordres que j'ai donnés à Yamato, et tu es sorti. Jusque-là, tout allait bien pour toi. Mais un de mes hommes t'a vu sortir et m'a immédiatement averti. Je me suis dit que tu ne laisserais certainement pas échapper une si belle occasion. Je t'ai tendu un piège. Il a suffi de laisser un tonneau ouvert et de te laisser faire. Et tout s'est passé comme je l'avais prévu. Pas mal joué, monsieur Mitsuhirato. Vous êtes très fort. Plus fort, en tout cas, que tu ne croyais. Ah, mais voilà l'un de tes vieux amis qui, pour rien au monde, n'aurait manqué le spectacle de ton exécution. L'un de mes amis. Voici l'homme, grand maître. Parfait. Monsieur Rastapopoulos. Oui, Rastapopoulos. Roberto Rastapopoulos, à qui tu as mis des bâtons dans les roues depuis si longtemps. Parce que les chefs du trafic international des stupéfiants, c'est moi. L'homme qui est tombé dans les rochers près de Rawatz Potala et que tu croyais mort. C'est moi, Rastapopoulos, qui a la vie dure, comme tu le vois, et qui finit toujours par triompher. Vous, le chef de cette bande, est-ce possible? Fais entrer les deux autres, Yamato. Tiens, Didi, prends ce sabre. Il est fou, toi. Oh, merci. Lao Tse a dit, il faut trouver la voie. Moi, je l'ai trouvé. Est-ce qu'il ne risque pas de devenir dangereux pour nous aussi? N'ayez crainte, maître. Dès qu'il en aura terminé avec eux, Yamato se chargera de lui. Vous verrez. Attention. Mon sabre. Bravo, Chang. Comment, mon aide? Les fils du dragon. Ils étaient tous cachés dans les taureaux. Eh bien, mon cher Chang, il était moins 5. J'ai même cru que tu n'avais pas réussi. Si, si, tout s'est très bien passé. L'équipage du Ali Kamaru n'a pas eu le temps de dire ouf. Ma vieillesse, Chang, s'incline respectueusement devant ta jeune Oda. Vous voilà libre, madame. Merci, monsieur Tintin. Et voilà, messieurs. À mon tour, mon cher monsieur Mitsuhirato, de vous donner quelques explications. Comment avez-vous été assez candide pour croire que je viendrais naïvement me jeter dans la gueule du loup? Vous me jugez donc si simple d'esprit. Sachez que je n'ignorais pas qu'on m'avait vu sortir du lotus bleu. Malgré cela, j'ai décidé de me rendre au hangar numéro 9, mais en prenant mes précautions. Hier dans la soirée, l'équipage du Harikamaru a été surpris par les fils du dragon et mis au fer, à fond de cale. Une partie de nos amis s'est cachée dans les tonneaux qui devaient vous être remis. Les autres ont attendu l'arrivée de vos hommes, à qui ils ont prêté main forte pour le débarquement. Vous savez le reste. C'est les rats. Que 3 hommes restent ici pour surveiller les prisonniers. Les autres fouilleront la maison avec Chang et moi. Le professeur Fan Sei Yang ne doit pas être bien loin. Viens, Mito. Prenons cet escalier. Oh, il fait tout noir. Oui. Aucun moyen de savoir où nous sommes. Milou. Regarde, Tintin, là-bas, de la lumière. Ah oui, allons-y. Ça, par exemple, nous sortons par un coffre-fort. On dirait... Et de l'opium, n'est-ce pas? Et derrière ce rideau... Le lotus bleu. Shanghai, le célèbre professeur Fan Sei Yang a été retrouvé. Il était prisonnier dans une fumerie appelée le Lotus Bleu, qui servait aussi de base arrière au trafic d'opium. Son gérant, un certain monsieur Mitsuhirato, s'est donné la mort par harakiri après que des perquisitions ont été faites à son domicile, où des documents d'une extrême importance auraient été saisis. Ces documents se rapporteraient à l'activité politique d'un pays voisin et plus particulièrement à l'incident du chemin de fer de Shanghai à Nankin qui fut le prétexte de l'occupation japonaise. Ces documents ont été transmis à toutes fins utiles à la société bien. Cher Tintin, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Mon fils Didi sera bientôt guéri. Le professeur Fan Sei Yang a découvert le remède au terrible poison qui rend fou. Vrai ? Oh, que je suis heureux. Vénérable, il y a là 2 messieurs qui désirent parler à monsieur Tintin. Eh bien, faites-les entrer. Bonjour. Oh, bonjour messieurs, vous allez bien? Oui. Voilà. Nous sommes venus pour... Oui, c'est-à-dire que, en quelque sorte, nous sommes venus pour... Pour? Nous sommes venus vous présenter toutes nos félicitations. Et vous dire que... Que nous ne vous avons jamais cru coupable, hein, mais que voulez-vous? Il fallait bien obéir aux ordres. Ben, je comprends, messieurs. Je vois que vous êtes complètement remis des suites de votre chute. Notre chute? Quelle chute? Ah! Oui! Ah, notre fameuse chute à Oukou! Ah oui! Oh. Notre chute à Oukou! Je me souviens! Oui. Oh, mais nous sommes tout à fait rétablis à présent. Hein. Mais c'est la plus jolie pelle que nous ayons jamais ramassée. En tout cas, cela nous a servi de leçon. Nous sommes devenus très prudents depuis lors. Je dirais même plus, extrêmement prudents. Vous pouvez être certain que cela n'arrivera plus. Eh bien, j'en suis heureux pour vous. Oh, soyez sans crainte. Nous ouvrirons l'œil. Mais allons, cher ami. Nous devons vous quitter. Déjà. Au revoir, cher Tintin. À bientôt. Attention, on marche en sortant. Quelques jours plus tard... Et je lève mon verre à ta très précieuse santé, Tintin. Toi, dont le courage et la noblesse ont fait refleurir la joie dans cette demeure indigne de t'abriter. Ton souvenir restera gravé dans nos cœurs comme dans le cristal le plus pur. Merci infiniment, Monsieur Wang. Je suis très touché. Mais il est quelqu'un parmi nous qui, si c'était possible, te regrettera encore davantage. C'est Chang, dont les jeunes années ont déjà connu la souffrance d'être séparé de ses parents et qui, en toi, a trouvé un frère. Qu'il veuille, dès à présent, se considérer comme mon fils et comme le frère de mon propre fils, à qui... mon honorable et savant ami Fan Seiyeng a enfin rendu la raison. Eh bien, Chang, qu'y a-t-il? Il y a un arc-en-ciel dans mon cœur. Je pleure le départ de Tintin et je ris d'avoir trouvé un papa et une maman. Adieu, cher Tintin. Et que dans ton pays d'Occident, d'autres amitiés recueillent le souffle de la longue course que tu vas entreprendre. Et le lendemain matin... Adieu, Tintin. Et calme au long de la route. J'emprunte tes paroles d'heureux augure, Chang. Adieu, cher Tintin. Adieu, mes amis. C'était le Lotus Bleu d'Hergé, une coproduction France Culture, Hergé Moulinsart et la Comédie Française. Adaptation Catel Guillot. Musique originale Olivier Davio, orchestrée par Didier Benetti pour l'Orchestre National de France. Avec Michel Favori, Monsieur Wang, Thierry Ancis, l'inspecteur Richards, Christian Blanc, Mitsui Rato, Laurent Natrella, le tenancier du Lotus Bleu, Serge Bagdasarian, Dupont, Pierre-Louis Calixte, le chauffeur, Christian Heck, Dupont, Gilles David, Rastapopoulos, Clément Hervieux-Léger, Didi, Nazim Boudjena, Dawson, Jérémy Lopez, Milou, Louis Arène, le speaker des actualités, Noam Morgenstern, Tintin, Claire de la Rue du Camp, Chang, Didier Sandre, le narrateur, Dominique Blanc, Madame Wang, Julien Frison, Yamato, et les voix de Mariana Granchi, Théo Combi Lemaître, Hugues Duchesne et Laurent Robert. Coach en prononciation, Yilin Yang. Bruitage, Sophie Bissantz et Elodie Fiat. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Prise de son, montage et mixage, Pierre Mine et Émilie Couette. Prise de son musicale, montage et mixage, Jean-Michel Bernot, Alison Ascrisi et Alice Legros. Assistant à la réalisation, Vivien Demeyer. Réalisation, Benjamin Habitant.